Bon, ben, rebonjour. voilà, alors moi je vais vous présenter quelque chose aujourd'hui qui n'est pas le fruit d'une thèse en cours ou de quoi que ce soit. En fait, c'est une recherche de master, donc de 2 années. Voilà. Donc du coup, petite différence, quoi. C'est pas exactement évidemment le même déploiement de la recherche. Par contre, il m'a semblé que ça pouvait coller. Je suppose que vous avez jugé que ça pouvait aussi à peu près coller aux objectifs aujourd'hui. Voilà, alors par rapport à ce matin, on prend un petit virage, puisque du coup, on déplace le curseur de logique macro plutôt vers les individus, et on va envisager une scène sociale qui est plutôt celle du quotidien. Voilà. Et en gros, mon objet d'étude, donc pendant ces 2 années-là, ça a été le temps, l'agenda des enseignants-chercheurs. Voilà. Donc du coup, la forme de l'exposé, elle va être relativement simple. J'ai vraiment pris le thème des journées méthodologiques au pied de la lettre. Et j'ai voulu vraiment centrer massivement les choses sur la forme méthodologique. Alors, je vais donner quelques clés sur les préoccupations initiales qui, à mon avis, rappelleront un petit peu les enjeux de ces journées. Et puis, bon, évidemment, je vais donner un petit aperçu de l'outillage théorique de l'objet. Et je vais surtout exposer la méthode. Voilà, et quelques résultats obtenus à partir de cette méthode. Et l'objectif, évidemment, ça reste très très ouvert. Enfin voilà, parce que ça reste une recherche quand même qui est engoncée dans les années de master, etc. Et donc je voudrais ouvrir la discussion sur les biais de la méthode et sur les possibilités éventuelles en fait d'exporter cette méthode-là au service d'autres objets ou d'autres disciplines éventuellement. Voilà. Alors oui, je précise aussi que je ne vais peut-être pas utiliser la demi-heure à disposition, parce que je n'aurai peut-être pas matière à déployer mes réflexions pendant une demi-heure. Voilà. Donc du coup, ici, il y a convergence de l'objet, l'agenda des enseignants-chercheurs, et de la méthode, puisqu'il s'agit de développer une méthodo qui va chercher à être en cohérence avec cet objet-là. Donc il y a des réflexions à la fois assez inscrites dans un champ sociologique spécifique, qui est celui... des temps sociaux, mais j'ai pensé que ça pouvait aussi intéresser de façon beaucoup plus globale, puisque finalement, on rejoint des leitmotifs de la sociologie et des sciences sociales, et au-delà, puisqu'on a vu ce matin cette intervention sur la perspective, sur la façon dont des acteurs du monde social pouvaient être aux prises avec une incertitude et bricoler, et jouer entre contraintes et ressources, en fait, à partir de cette incertitude constatée. Voilà. Et alors je vais citer Rosa, dont on a entendu parler ce matin, et qui dit, et je pense que c'est pareil, ça épouse relativement mes préoccupations à la base et puis les enjeux d'aujourd'hui. Il dit que la conviction que tous les événements, tous les objets, toutes les circonstances du monde social sont de nature dynamique et que le temps par conséquent constitue une catégorie clé de son analyse est presque devenu aujourd'hui un lieu commun des sciences sociales. Et je précise d'ailleurs que j'ai au final pas mal travaillé en dialogue avec la pensée de Rosa et avec sa théorie de l'accélération, dont on retrouvera quelques traces au travers de mon exposé. Alors déjà, assez basiquement, quand on veut travailler sur le traitement sociologique de cet objet qu'est le temps, ça implique tout un travail de déconstruction terminologique et de refondation relative, en toute humilité quand même, de cette terminologie associée au temps. Donc le concept de temps social, de temporalité, de rapport au temps, ou même d'emploi du temps, qui sont des notions qu'on utilise tout le temps, des termes un petit peu allant de soi, mais qui vont vraiment construire le socle, en fait, à ce dispositif méthodologique. Et je vais m'expliquer. L'idée un petit peu sous-jacente, c'est de considérer le temps aussi comme un construit social. Parce que ce n'est pas une donnée comme ça, naturelle. Voilà. Et l'objectif, c'est de développer une démarche très pragmatique d'exploration qui soit au plus près de la production quotidienne de sens et de cohésion dans le temps vécu par les gens, par les individus. Du coup, voilà, j'ai essayé de concevoir cet agenda des enseignants-chercheurs comme un observatoire qui va donner à la fois accès à des formes de transformation du travail contemporain, au cadrage social, aux coulisses un petit peu de l'activité scientifique de production des savoirs. Et j'ai l'impression que le temps fonctionne ici un peu comme une caisse de résonance, comme un flux qui va capturer les transformations du social. du coup l'empreinte d'une voie d'exploration micro-sociologique qui est plutôt marginale en fait dans le champ consacré, dans le champ des temps sociaux. Il me semble qu'elle donne à voir des éléments de compréhension du réel qui renvoient à une échelle plus collective et plus globale. Et elle va plutôt se conjuguer que s'opposer à des analyses plus macro. Et je vais essayer de vous montrer ça tout à l'heure en évoquant quelques résultats d'enquête. Voilà, alors aussi une petite balise supplémentaire. Le point de départ problématique de mon étude, ça a été le double constat, apparemment paradoxal, pardon, d'un temps à la fois non contraint et surchargé. Donc ça, c'est Fave Bonnet qui va parler de ça en l'appliquant spécifiquement, en fait, au temps de travail des enseignants-chercheurs et qui va faire écho à celui de deux messieurs que sont César et Vinck, qui va s'inscrire dans une perspective beaucoup plus globale sur le travail en contexte postmoderne. Voilà. Alors, sur l'outillage théorique, il va être centré sur cette notion de rapport au temps et je vais essayer de travailler sur certaines dimensions de cette notion-là pour développer des dimensions exploratoires. Alors, je vais vous donner, alors c'est dommage là pour le coup que j'ai pas le PowerPoint parce que ça aurait été plus fluide peut-être pour ma présentation. Mais je vais vous donner la définition de ce rapport au temps tel que je l'entends et tel que je la reprends, surtout parce que je ne l'ai pas inventé, d'un auteur spécialiste qui s'appelle Jean-Pierre Rouche. Et donc, il utilise ce terme de rapport au temps, il le désigne comme un état mouvant, au moins momentané, des pratiques et des usages. Comment est-ce que concrètement on va utiliser le temps vécu? Quelles activités? Pour quelle plage horaire? Alors ça va concerner le type d'activités pratiquées, une estimation de leur durée, les emplois du temps, les modes de mobilisation du repère temporel spécifique, etc. Ça va être aussi un état au moins momentané des constructions individuelles. Alors quelle logique d'articulation des temps vécus internes et externes? Comment est-ce qu'on va articuler nos propres temps d'activité entre eux? Mais également nos temps d'activité avec ceux des individus qu'on côtoie et avec qui on est en interaction. Quelle logique d'organisation, alors approche gestionnaire, approche par l'urgence, etc., on va appliquer. C'est aussi un état des représentations et des valeurs. Que sont ces valeurs accordées aux activités elles-mêmes, au temps lui-même? Quelle représentation de l'avenir? Et quelles orientations selon les horizons temporels? Et quelle forme de chronopathie, de maladie du temps. Voilà. Alors, à mon sens, cette définition, elle reste perfectible, pardon, dans la mesure où, et puis je vais opérer un lien, avec la réflexion de Vidal et Rio ce matin, on parle ici d'un état et on a tendance malgré tout à figer un petit peu le réel. Alors, son auteur va souligner quand même que ce rapport au temps, il a un caractère un peu sans assignation à résidence temporelle, il utilise ce terme-là. Voilà, mais je pense qu'on bute malgré tout sur une espèce de restitution en trois dimensions de l'objet. Voilà. Par contre, elle présente l'avantage de porter les germes de deux dimensions opératoires qui vont ouvrir le champ à une observation empirique, la dimension de l'emploi du temps et celle de technologie sociale du temps. Et là aussi, je vais m'expliquer, et je pense que j'en aurai terminé avec le petit lexique sémantique. Alors, l'emploi du temps va renvoyer aux manières qu'on a d'inscrire nos propres activités dans la succession ou dans la simultanéité. Aux manières qu'on va avoir d'articuler et de coordonner ses activités avec celles des autres, avec n'importe quelle personne avec qui on est en interaction. Et avec elle renvoie aux usages des technologies sociales du temps. Dernier mot barbare. L'auteur Jean-Pierre Rouche utilise ce terme en référence en fait à Norbert Elias qui parle de technologie sociale et ça va désigner des techniques de repérage des activités. Alors là ça devient un petit peu abscon, mais je vais expliquer un petit peu, qui peuvent être des techniques de synchronisation plus ou moins sophistiquées, plus ou moins abstraites. Alors pour être beaucoup plus concret, cette technologie elle va comprendre des savoirs, alors je ne sais pas, accompagnés de leur symbolisation ou de leur codification, alors par exemple l'assignation coordonnée temporelle à des activités, des objectivations matérielles et institutionnelles de ces savoirs, alors une montre, un cahier, un agenda, l'adoption d'un standard GMT, par exemple, et des espèces de prescriptions d'emploi, un peu comme des modes d'emploi d'appareils domestiques qui vont être transmises et intériorisées sous des formes plus ou moins implicites, la tenue d'un cahier de texte ou la successivité des cours ou le respect des horaires, par exemple. Du coup, ces deux prolongements opératoires, donc l'emploi du temps et les technologies sociales du temps, matérialise la possibilité d'une immersion très pragmatique au cœur d'une matrice essentielle du travail de cohérence et de mise en ordre des acteurs que constitue l'agenda. L'objectif, donc, du coup, c'est de capturer ici et de s'ajuster au plus près des bricolages des individus entre contraintes et ressources. Alors, du coup, bah, là, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce dispositif de terrain. Et là, c'est vraiment dommage de ne pas avoir le visuel. Je ne sais pas, je pourrais peut-être éventuellement essayer de voir après à vous le montrer, parce que c'est dommage, ça manque d'incarnation. Alors, il y a deux temps dans ce dispositif méthodo. Et il y a trois supports qui vont venir s'articuler. Alors d'abord, il y a ce que j'ai appelé un fichier temps, qui est un dérivé numérique d'une méthode qui s'appelle la méthode des cahiers temps, et qui consiste tout simplement à proposer à l'enquêté, pendant une durée à négocier, d'inscrire ses activités. Alors c'est un travail un petit peu fastidieux, mais voilà, en adaptant évidemment en fonction des pratiques quotidiennes de cette personne-là. Alors dans le cas des enseignants-chercheurs, ça a souvent été un dispositif numérique où tout simplement il y a un fichier assez bateau, avec une forme assez bateau, des colonnes. Alors par exemple, je ne sais pas moi, activité 1, activité 2, c'est très basique, c'est le plus bateau possible en fait. On peut élargir le nombre de colonnes à l'infini. Bon, en général, on ne fait pas 24 activités à la fois, mais on ne sait jamais. Et une colonne de commentaires en fait sur ces activités-là, qui est relativement libre aussi. Voilà, donc il y a une espèce de contrat de coopération qui s'opère avec les personnes qui acceptent de participer à l'enquête. Voilà, on détermine un standard d'inscription. Alors dans mon cas, ça a été une semaine. Ça peut être plus. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui est relativement... Voilà, c'est quotidien. Voilà. On peut envisager aussi un magnétophone, c'est beaucoup plus fluide, où les gens peuvent utiliser ce support-là un petit peu quand ils peuvent. Voilà, c'est pratique. Et donc ce fichier temps, évidemment, il est destiné à recueillir l'emploi du temps des personnes enquêtées. Et en principe, il permet aussi de saisir assez précisément le volume, le détail et l'agencement des tâches et des séquences d'activités qui sont coordonnées par les individus. Il permet également d'identifier les acteurs, alors que ce soit des acteurs humains ou des acteurs techniques, qui sont impliqués dans ce travail d'organisation, de coordination et de mise en cohérence du temps vécu. Voilà, alors j'avais un exemplaire de fichier neutre et puis de fichier inscrit par les, enfin, voilà, pour les enquêtés, c'est dommage. Et je vais arrêter de dire que c'est dommage aussi. On va mal le prendre. Et donc voilà, ce fichier temps, il va venir s'articuler avec un objet qui s'appelle un commentaire d'agenda. Alors là, c'est pareil, c'est en fonction des usages des enquêtés. Alors ça peut être un commentaire de... Alors il y a des gens qui ont des chaînes synchronisées d'agenda, qui vont avoir une tablette, un agenda papier, et puis une application qui va répondre un petit peu à la tablette, ou au smartphone, etc. Et donc, là, il va y avoir capture d'écran, si écran il y a. Et puis ensuite, voilà, je vais demander à la personne de commenter ses activités, histoire d'obtenir, de pouvoir recouper avec le fichier temps et d'obtenir un volume de données un petit peu plus cohérent. Le dernier temps, du coup, donc ça, c'est dans un premier temps, donc fichier temps et commentaire. Et dans un second temps, donc à peu près 3 semaines après, parce qu'en général, il faut quand même un petit peu de temps pour organiser tout ça, il y a un entretien d'autoconfrontation avec les personnes qui font partie de l'enquête. On va revenir sur ces deux supports-là. On va essayer d'incarner un petit peu les données. Et on va avoir un petit peu, on va pouvoir aussi repérer soit des ellipses dans les fichiers, soit des incohérences, entre guillemets, même s'il n'y a pas de jugement à avoir, mais simplement des choses qui peuvent ne pas se recouper, etc., pour pouvoir densifier encore le recueil de données et pour pouvoir obtenir quelque chose d'assez solide, quoi. Voilà, donc en gros, un individu, deux phases, voilà, et donc ce premier terrain me fait dire que le dispositif, il est gérable sur 3 semaines à peu près. Voilà. Alors voilà, je me suis dit aussi que je pouvais peut-être vous donner une idée de quelques résultats, hein, quelques-uns, obtenus à l'échelle, donc dans mon cas, d'une petite dizaine d'enquêtés. Donc ça reste encore... Enfin voilà, c'est micro-sociologique et puis c'est micro-échantillon de master, quoi. Voilà. Cette enquête de master, elle était problématisée autour de la notion de pression temporelle. Et donc un premier volet de résultats va porter sur cette notion de pression et donc sur les foyers de pression qui sont décelés à partir de ces données recueillies. Et le deuxième volet, concerne plutôt les tactiques que vont développer les individus pour faire face à ces pressions-là, pour les désamorcer, pour les négocier, etc. Voilà, alors, je me suis dit aussi que j'allais vous citer de temps en temps quelques passages, histoire de vraiment incarner les choses. Donc, quatre foyers de pression. Le premier, on peut considérer qu'il émerge du caractère discontinu et dispersé des pratiques professionnelles des enseignants-chercheurs enquêtés. Ces pratiques, dans leur organisation et dans leur déroulement, vont entrer en contradiction avec des projections personnelles harmonisatrices des temps de travail d'une part, et de l'articulation de ces temps de travail, pardon, avec d'autres temps de vie. Voilà. Cette logique de réaction va bousculer la cohérence des temps quotidiens qui sont envisagés idéalement comme plus fluides, et les pratiques vont se retrouver comprimées par le retard, par l'urgence ou par l'irruption de l'inattendu, ce qui va induire la nécessité de réévaluer régulièrement l'ordre hiérarchique des tâches qu'on va prévoir. Alors, pour exemple, une enseignante-chercheuse qui raconte, voilà, il y a des parasitages complètement permanents. Un coup de fil, on me dit, mais t'as pas répondu à mon mail ce matin. À 13h, tout doit être fait dans l'urgence. Même en essayant de mettre des barrières aux étudiants, qui ont le droit de passer de telle heure à telle heure, il y en a toujours un qui finit par débouler, parce que c'est urgent. Il y a donc des priorités prioritaires, et ça c'est quand j'ai des rendez-vous. Ça se fixe plus ou moins à l'avance, après c'est en permanence de la gestion d'urgence. Voilà. Alors du coup, la deuxième source de pression, elle se situe un petit peu dans un phénomène de compression des temporalités, en lien notamment avec des logiques institutionnelles en mouvement qui sont régulièrement déplorées par les personnes dans l'enquête. Et cet effet de compression va cristalliser un décalage entre ces injonctions institutionnelles et une vision personnelle du métier d'enseignant-chercheur. Pour illustrer ces tendances-là, je peux citer un enquêté qui explique ou qui indique que voilà, on a l'impression que le mail raccourcit le temps. Donc on a l'impression que les gens, sous prétexte qu'ils nous envoient un mail qui fait une demi-ligne, la quantité de travail va correspondre à la taille du mail. On est dans un truc d'instantanéité qui devient complètement insupportable. Vendredi midi, on a reçu un mail de l'UFR, nous demandant de préparer le budget pour les 5 ans à venir. Réponse attendue, avant dimanche soir. Alors on peut constater au passage que le mail constitue vraiment ici le support pivot de ces sollicitations et qui va contribuer à une pression cognitive qui va investir l'individu. Je passe à notre troisième source de pression. Et il me semble que cette pression-là, elle va émerger de l'imbrication d'un jeu d'échelle de temporalité multiple, parfois concurrente. Un jeu qui, dans le métier, est disqualifiant s'il n'est pas maîtrisé. Alors tout ça va impliquer des forces de projection et d'anticipation à plusieurs vitesses. Et là encore, un travail de recomposition permanent. Alors sur ce thème, j'ai une personne enquêtée qui travaille au Costa Rica et qui décrit très bien le phénomène. Tu peux imaginer ce que tu peux faire dans un an. Mais après, tu restes coincé sur les cycles de la fac. Et tu dois organiser tes trucs par rapport à ces cycles de la fac. Parce que c'est une superposition de cycles. Ce sont ces cycles-là de semestre, mais aussi d'autres types de cycles. Des colloques ou des bourses pour aller ailleurs, etc. C'est pas si évident tout ça. Prenons un exemple. Pour aller en France, j'ai dû quitter le pays en septembre. Donc il fallait faire le choix des cours que j'avais donné vers août et début septembre de cette année-là. Il fallait le programmer en avance et en même temps savoir quoi programmer pour que quelqu'un puisse te remplacer, tu vois. En même temps, tu dois coïncider avec ces gens-là en remplacement. De toute façon, je pense que la fac, parfois, c'est très problématique parce qu'il y a des choses que tu dois programmer en avance, parfois, d'un an. Alors, la dernière source de pression pourrait résulter d'un brouillage des sphères sociales, c'est-à-dire une absence de séparation intrinsèque entre les différentes sphères d'activité professionnelle et hors professionnelle. Alors, il y a une personne enquêtée, qui est enseignante en physique, et qui raconte que son travail, c'est sa vie et la forme la plus aboutie de ses engagements personnels. Et elle va raconter « J'ai une relation fusionnelle avec la formation et j'ai une relation fusionnelle avec les étudiants. Régulièrement, ils m'appellent maman, quoi. » Donc ça, c'est un truc très valorisant par rapport à l'investissement que je mets de moi par rapport à ce boulot. Sauf qu'elle raconte aussi « J'ai énormément de mal à résister à la pression des étudiants. Ça m'atteint moi profondément en tant qu'individu. » Cette personne était en plein burning out quand je l'ai rencontrée. Alors, donc, après les sources de pression, les tactiques, celles que j'ai pu repérer en tout cas au niveau de ma recherche, alors pour prévenir donc ces formes de pression, les acteurs vont développer des tactiques. Du coup, là, ça va être beaucoup plus court parce que déjà, j'ai beaucoup moins développé cette partie-là. Mais j'ai trouvé quand même que ça pouvait avoir du sens. Et donc, il y a une catégorie que j'ai nommée ritualisation et routine de ces tactiques. Alors, cette formule qui est un petit peu généraliste va ouvrir le champ à différentes modalités qui vont converger vers une volonté commune de canaliser ou de délimiter l'univers professionnel en insufflant de la régularité dans un environnement qui, a priori, en propose peu. Alors, par exemple, il va y avoir un enquêté qui va redéployer invariablement un ensemble de pratiques avec des coordonnées temporelles très précises. Passage à la bibliothèque tous les mardis, passage à la poste tous les jeudis. Même si son emploi du temps, pourtant, se reconfigure régulièrement en gré des semestres. Quoi. Alors, à une échelle beaucoup plus micro-temporelle, celle d'une journée, il évoque un processus ritualisé de mise en marche du cadre de travail le matin en arrivant à son bureau. Donc, il fait toujours la même chose. Et c'est un intervalle temporel qui va fonctionner un petit peu comme un sas de transition et qui va impulser un rythme progressif à ses activités. Et dans ce cas-là, j'ai eu l'impression qu'au-delà d'une tactique plus ou moins consciente, la démarche de cette personne-là s'apparentait plutôt à une forme de résistance, en fait, aux injonctions temporelles de l'institution et du métier. Voilà, donc ça, c'était pour les résultats, histoire d'incarner un petit peu les choses. Voilà, je suis toujours en train d'essayer d'affiner ces catégories, je ne suis pas encore très satisfaite. Voilà, et donc du coup, en gros, ça c'était la méthode. Et cette méthode, forcément, comme toute méthode, et peut-être même plus, elle présente quelques biais. Voilà. Alors déjà, il me semble que c'est un travail qui est très qualitatif et qui donc reste déployable à une petite, voire à une moyenne échelle. Je ne suis pas sûre qu'on puisse la mettre en œuvre, effectivement, si on doit sonder massivement une population. La deuxième chose, c'est que malgré tout, certains supports, comme par exemple le fichier temps, fonctionnent un petit peu, comme il y a un contrat de coopération qui est mis un peu au point avec les personnes qui participent à l'enquête, ça va un petit peu être tributaire du degré d'implication de ces personnes-là, quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'avais repéré ? J'en avais repéré quelques autres. Voilà, oui. Alors ça c'est une chose que j'avais proposée, enfin, dont je vous ai déjà parlé, effectivement. Mais peut-être, ce fichier temps, ça reste quand même, malgré tout, très inscrit dans des pratiques numériques et des pratiques d'écriture qui ne sont pas forcément celles de tout individu dans le monde social, quoi. Et donc, du coup, la possibilité, effectivement, de faire glisser ce support-là vers des choses plus fluides, plus orales, etc. Voilà. Et puis, peut-être une des choses les plus ambitieuses de cette méthode et du coup qui peuvent effectivement être un petit peu risquées, c'est que ces activités, leur enchevêtrement, leur intensité et puis le rythme d'enchaînement, forcément, ça va entraîner concrètement dans le quotidien des gens des dynamiques de reconstitution de l'emploi du temps a posteriori. On ne va pas forcément en permanence, en live, toute la journée, effectivement, inscrire dans le fichier temps, bon ben là, de telle heure à telle heure, je fais ça, etc. Et donc, forcément, voilà, ça peut faire passer à la trappe certaines activités, ça peut hiérarchiser un petit peu les activités a posteriori, etc. Ceci dit, je trouve que c'est aussi quelque chose d'intéressant, puisque ça installe des verrous un petit peu dans le recueil de données, mais c'est des verrous qu'on peut déceler. En tout cas, dans certains cas, j'ai pu déceler, qui peuvent être désamorcés en entretien. Et donc, à ce moment-là, effectivement, ça nous permet de saisir la façon dont les gens vont considérer une activité comme une activité ou comme quelque chose de... Voilà, vont hiérarchiser leurs tâches, leurs activités, etc. Et voilà, et donc, je pense que ça peut être une méthode qui est pas mal dans la mesure où, effectivement, on va coller de façon très pragmatique aux catégorisations qui sont vraiment produites par les acteurs eux-mêmes. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire aujourd'hui sur cette méthode-là. Et j'ai imaginé du coup que ça pouvait être une méthode remobilisable dans le cadre d'autres disciplines peut-être, voilà, qui viennent bien sûr s'imbriquer avec d'autres méthodes, ce que moi-même j'envisage dans le cadre d'une thèse. Alors par exemple, je ne sais pas, j'ai pensé à des disciplines comme de l'urbanisme ou des disciplines où on avait besoin un petit peu de d'être ajustée en fait au rythme des citoyens, des usagers, d'un service, etc. Donc du coup, ça permettait encore une fois d'inciser vraiment certaines réalités au plus près, quoi, de façon très pragmatique. Voilà. Et je crois que j'ai terminé. Merci beaucoup, Yael. Merci à vous. Je vais laisser la parole à Mathieu et Laure. Je sais comme vous voulez. Tu veux prendre la parole en premier ou comme tu veux. Allons-y. vous excuserez l'organisation temporelle de mes propos, qui sont sur le vif et de façon plus ou moins dégradée. D'abord, l'objet même de cette recherche est assez est très intéressant parce que d'abord, elle nous concerne à peu près ici, on se sent concerné. On s'arrête sur le fait qu'on ait un temps non contraint et surchargé. Donc on se questionne sur cette expression. Après, dans le désordre, comme ça, des remarques, mais plutôt des questions ouvertes, les réactions que ton propos est venu apporter. La première réaction, c'est sur l'agenda, sur la représentation, sur le temps vécu, ouais. Ou le temps à vivre. C'est-à-dire qu'on a plutôt l'habitude d'utiliser un agenda pour se projeter, mm-hmm. pour se dire comment je vais faire telle et telle tâche, etc. Et j'ai mis du temps à vraiment saisir quel temps tu avais envie de capter et celui que tu allais analyser. C'est-à-dire, donc en fait, il y a trois temps. Il y a le temps passé qu'on va évaluer. On va se dire, et ça c'est par exemple de la tâche de tout dans un bureau d'études ou une entreprise, combien de temps tu as passé sur cette tâche-là pour que je la fasse payer au client. Mm-hmm. Voilà. Et donc, il y a le temps... qu'on vit et qu'on dit je vais jamais y arriver, je suis dans l'urgence, j'ai pas fait ça, faut que je me mette à faire ci, etc. Et il y a le temps à vivre. Comment on va organiser notre futur temps pour mmh. arriver à faire ce que l'on souhaite faire. Et donc je me suis posé la question, quel temps tu avais envie de saisir. J'ai cru comprendre que c'était plutôt le temps du moment, ouais, c'est ça. Ouais. Mais qui est en fait certainement le plus dur à capter mm-hmm. par sa représentation cette représentation tu la demandes aux personnes qui l'ont vécu, donc il est déjà passé. Ouais. Et donc je me demande comment c'est à quel point c'est fiable. Je pense qu'il y a une articulation à faire entre le temps vécu et le temps qu'on va devoir projeter. Mmh, et que, ouais. En fait, ce que tu as capté, parce que je ne sais pas comment vous autres vous utilisez votre agenda, mais principalement, on l'utilise pour planifier des tâches. Bien sûr. Ouais. Donc voilà, j'aimerais un peu te questionner là-dessus, sur comment, par le fait de la représentation de l'agenda. D'accord. Après, ah oui, je me posais une question sur, mais là, c'est peut-être aussi mon biais, parce que je fais de l'urbanisme, de l'aménagement, donc je pense plutôt le temps qu'on va projeter et pas le temps qu'on vient de vivre. Et donc, dans les techniques, alors est-ce qu'on pourrait appeler ça dans un usage technologique du temps que l'on doit projeter, considérant que les individus ont un temps... non contraint et surchargé, est-ce que du coup ils se le contraignent justement ? L'objectif est de se contraindre au temps, ou se contraindre du temps. Et donc, je me poserai la question, quels sont les usages technologiques pour s'obliger à faire ci, à faire ça, et on le fait tous, c'est-à-dire... je réponds à cette communication parce que du coup ça va m'obliger à à aller voir ses bouquins et ça fera une petite partie de ma thèse que je tarde toujours à faire. Mais allez, je me force à répondre à cette communication parce qu'en plus, à tel moment, elle est programmée, cette communication. Donc si je suis prise, eh ben, ça m'obligera vraiment. Là, je serai obligée, quoi. Enfin, c'est bien d'être prise à des communications, donc ça va vraiment m'obliger. Et du coup, ça fait un peu comme les liens d'Ulysse, quoi. On s'oblige à, par des choses comme ça, à contraindre notre temps, parce que cette communication, elle va avoir lieu à ce temps-là. Et donc, le moment où je démarrerai cette communication, ça m'obligera avant d'avoir fait le premier chapitre de ma thèse. Là, je serai en plein dans le deuxième. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a des techniques ou des outils technologiques des acteurs pour s'obliger à contraindre ce temps, parce que le fait qu'il ne soit pas contraint, c'est peut-être un obstacle et un malaise par rapport à ce temps. Et puis c'est discutable que ce temps soit pas contraint. Ben voilà. Oui. Il y a des mécanismes d'autocontrôle, mais il y a aussi des injonctions qui sont beaucoup plus latentes et beaucoup plus. Il y a des avantages et certainement pas mal. Pas mal d'inconvénients. Une autre question. Ouais, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus comment tu as analysé du coup concrètement t'as ton fichier temps, ton commentaire d'Injada, ton entretien. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as fait de ces matériaux? Voilà. Et puis certainement peut-être que tu vas nous apporter ça en répondant à cette question d'analyse. C'est cette question, je me pose la question de représentation appropriée par les individus que tu es retourné interroger. Alors je ne sais pas, je crois que c'est plutôt des techniques, je ne suis pas sociologue ni anthropologue, je crois que c'est des techniques un peu anthropologiques où on revient vers les individus avec un reflet de ce qu'ils nous ont soit déjà raconté dans un premier entretien, ouais. Mais là en fait ton fichier temps ou ton commentaire d'Injada, c'est leur production, ouais. Que tu vas leur demander de re-analyser. Alors que des fois, c'est plutôt le chercheur qui va produire un objet, un entretien, un schéma à partir d'un premier entretien. Ouais. Et après, il va retourner voir la personne avec cet objet produit par le chercheur, mais reflétant le discours de l'interviewé. Et du coup, l'interviewé va réagir par rapport à cet objet qui n'est pas le sien, c'est pas lui qui l'a produit. Donc il va dire non, vous êtes trompé, non, j'ai pas fait ça comme ça. Et il va du coup se le réapproprier. Et donc du coup, je m'interroge sur comment ça se passe, le fait que tu leur représentes un objet qu'ils ont eux-mêmes produit. Ouais. Et puis, parallèlement, est-ce que... quelle est la représentation la plus facilement appropriable du temps vécu? Je préfère avoir quoi? Des jours bien séparés? Je préfère avoir une flèche pour pouvoir me projeter? Ouais, ouais. Enfin, c'est même pas me projeter, c'est du temps passé. Comment on arrive à s'approprier le temps que l'on a vécu par la représentation? D'accord. Ça m'interroge pas mal sur ces petites astuces-là. Voilà. Ouais. Enfin, ouais, mais encore. C'est très riche. Ben, du coup, je sais pas, est-ce que j'essaie de te répondre maintenant ou est-ce qu'il y a une deuxième intervention et peut-être non, c'est mieux que je réponde juste là. Juste pour prolonger un peu la réflexion de Laure, c'est, elle faisait notamment allusion, même indirectement, finalement, à ces tactiques, ces stratégies que déploient justement ces acteurs. Moi, j'aurais aimé savoir comment tu contextualises ces stratégies, comment tu les expliques et comment tu les confrontes selon les individus. D'accord. Et finalement, pour introduire même, pourquoi tu t'es intéressé à ce public si particulier? ça m'intéresse pas mal parce que je trouve que c'est très intéressant. Donc voilà, on aura peut-être d'autres questions, mais je vais commencer à l'envers ou alors dans le désordre, je ne sais pas. Je vais commencer par les questions les plus faciles. Pourquoi ce public? Ben en fait, c'est... Alors moi, mon idée, c'était d'aller déjà vers un métier, donc c'était quand même vachement dans une optique sociologie du travail à la base. Et puis, un métier qui, a priori, serait contractuellement autonome ou enfin voilà, où il y aurait voilà dans les termes du contrat une certaine autonomie, une certaine liberté de manœuvre, etc. quoi. L'objectif à la base c'était un petit peu de démonter les mécanismes pour le coup d'autocontrôle, d'autocontrainte, etc. Bon, et en fait ce qui s'est passé c'est tout simplement que j'ai des gens dans un laboratoire là à Toulouse qui m'ont dit bah, si t'as envie de travailler sur les enseignants-chercheurs, voilà, hein. Et donc du coup bah, je me suis dit bah, pourquoi pas, j'aurais jamais pensé hein, à la base, mais au final j'ai trouvé ça assez intéressant quand même, parce ouais. que c'est voilà, pour le coup je me suis effectivement familiarisée avec des tas de choses. Voilà, donc ça c'était la question la plus facile. Alors ensuite par rapport à tes questions sur l'agenda et sur alors quel temps moi j'essaye de capter, etc. Je sais pas si du coup j'ai pas été assez explicite ou si de toute façon c'est une question qui est tout à fait pertinente, mais le fichier temps, ça, c'est, donc du coup c'est un objet différent de l'agenda. C'est, en principe, j'ai l'impression que ça a relativement bien fonctionné. Des gens qui notent de la façon la plus neutre possible, encore, c'est pas possible d'être complètement neutre, puisque malgré tout, on a tendance à hiérarchiser, encore une fois, et à considérer certaines tâches comme plus valorisantes que d'autres, etc. Et donc la restitution est toujours un petit peu biaisée. Mais malgré tout, voilà, on établit un petit peu des standards d'inscription, voilà, on se voit une petite demi-heure avant ben, de donner ce fichier temps, on explique comment ça fonctionne, etc. Et donc les gens sont censés effectivement inscrire au jour le jour. C'est pas possible de le faire beaucoup plus de façon beaucoup plus serrée. Encore que il y a des du coup j'aurais posé des questions aussi sur comment ils s'étaient approprié ce format-là et comment est-ce qu'ils l'avaient utilisé. Il y avait des gens qui disaient voilà, comme je suis tout le temps sur mon ordinateur, j'avais tout le temps de toute façon en fenêtre voilà sur le côté. Bah, ce fichier temps, et puis j'essayais un maximum de voilà. Mais bon, ça reste relativement aléatoire. Malgré tout, ce qu'on obtient sur ce fichier temps, je pense, est très différent de ce qu'on peut avoir bah, dans un agenda, où effectivement, il y a des gens qui ont des rapports très différents à l'agenda. Il y a des gens qui vont noter les tâches à effectuer, les tâches qu'ils aimeraient effectuer, et il y a des gens qui notent a posteriori et en triant aussi. Parce qu'il y a des choses où on n'a pas forcément envie, dont on n'a pas envie de garder une trace, etc. Enfin voilà, là c'est encore autre chose. Mais... Et donc du coup, voilà, ça reste relativement expérimental, etc. Mais je pense que du coup, le temps qui est capturé, entre guillemets, mais ce n'est pas exactement le terme, dans ce fichier temps et celui dont on a une vague idée dans l'agenda, ce sont deux choses différentes et c'est ça qui m'intéressait. C'était d'avoir des dimensions un petit peu différentes, finalement, du temps qui est vécu ou projeté, etc. Voilà. En fait, ouais, c'est super intéressant parce que du coup, ça fait de l'agenda un objet, à t'entendre, ça me le fait dire, un objet très très riche, quoi, parce que c'est à la fois le temps que l'on projette, le temps que l'on accepte, le temps dont on est presque... Oh bah ouais, ça y est, là, je l'écris aujourd'hui, c'est hier, ça. J'ai réussi à faire ça, je l'écris dans mon agenda. Le temps qui nous valorise, le voilà. Temps que... Et en même temps aussi, une certaine façon d'extérioriser certaines tâches qui nous semblent infaisables. Et quand on les met en agenda, voilà, on sent un petit... Enfin, je pense que ça doit être un outil, peut-être pour des psychologues ou je sais pas trop quoi, ça doit être énorme. Ouais, devant le truc. Bah pour le coup, effectivement, alors sur ta question sur les usages technologiques pour s'obliger à, là, j'ai pas de solution miracle. Je suis pas dans la préconisation. Des petits arrangements comme ça. Là, pour le coup, voilà, je pense effectivement à une personne qui me racontait, c'est ce que je vous décrivais. Bon, ça a été difficile à lui faire dire, mais qui racontait qu'en fait, par exemple, donc elle a utilisé, elle a un Mac, elle utilisait l'application Incal. Alors voilà, elle avait deux agendas différents. Un agenda où elle essayait de noter ses tâches à peu près en adéquation avec ce qu'elle faisait, et un qu'elle utilisait a posteriori, et elle ne notait que les activités qui finalement lui apportaient un bonus quelconque. Enfin voilà, elle n'avait pas noté des choses qu'elle jugeait trop banales ou trop secondaires, ou enfin voilà. Donc du coup, voilà. Et puis j'ai entendu quelqu'un l'autre jour à la radio, alors par contre sur la gestion du temps, t'as des tas de gens qui proposent des formations dans des entreprises, des trucs comme ça, ou des sociologues, etc. Et alors qui vont carrément te proposer une espèce de mode opératoire pour pouvoir être plus épanoui dans sa façon de gérer le temps, etc. Et qui pose des règles avec effectivement des usages prescrits en fonction de si vous utilisez une tablette, etc. Mais bon, là c'est une autre... ça sort complètement du... Voilà, en tout cas moi c'était pas... Et puis... Juste une petite question. Oui. Pour le fichier temps, c'était que sur les activités menées à l'université ou si c'était sur... Voilà, sur... Sur le temps vécu. La journée, ouais. Le soir, le j'essayais de leur dire d'être le plus précis possible en essayant de faire l'impasse sur rien du tout. Après, à l'évidence, voilà, encore une fois, il y a des allants de soi, quoi. Il y a des choses que, enfin voilà, on va pas penser à noter. Alors, je pense à une personne, par exemple, qui avait toujours un blanc au niveau de certaines tranches horaires régulièrement dans sa semaine, etc. Et du coup, je lui ai posé la question de qu'est-ce qu'il y avait dans ces blancs-là. Et puis c'était tout simplement, c'est les temps de transport, qui étaient pourtant assez longs, hein, c'était une heure à chaque fois. Et alors je lui dis, mais pourquoi est-ce que... Bah parce que de toute façon, c'est un temps où je suis un peu, où je végète, où voilà, je vais observer les gens, je vais lire un livre, etc. Et donc, tu vois, finalement, oui, c'est aussi évidemment d'ailleurs le biais de ce support-là. Et en même temps, c'est un avantage, puisque ça nous permet encore une fois de pouvoir retracer un petit peu les ordres de hiérarchisation... des tâches, la façon dont on va qualifier une activité, une autre, etc. Moi, j'aurais je trouve ça vraiment passionnant comme enquête et vraiment très intéressant. À la fois parce que tu as un terrain qui est fantastique et qui est bien travaillé avec ces entretiens et puis ces fichiers d'emploi du temps. Là, et puis tu as une analyse qui est aussi effectivement intéressante, qui en plus est populairement nous parle tous. Bon, ça, c'est un petit peu. Le problème de se sentir tous concernés, c'est qu'on prend aussi notre sens commun pour un sens savant, alors c'est seulement de la distance. Mais bref, mais c'est quelque chose d'extrêmement convaincant. Mais quand on fait le lien avec les deux, on s'aperçoit que de ton terrain, tu as conservé la moitié des entretiens réalisés à partir du commentaire des agendas, que tu as analysé pour en tirer, à partir de ta problématique sur les contraintes temporelles, etc., pour en tirer des conclusions qui me semblent tout à fait, encore une fois, tout à fait intéressantes. Et puis il y a ces agendas-là qui sont des trucs fabuleusement riches, enfin, toutes les enquêtes emploi du temps d'INSEE le montrent et tout ce qu'on a pu en faire, et que tu n'as jamais cité, enfin, dont tu n'as jamais cité les résultats, et dont je ne sais pas si tu les as analysés. Et alors que c'est, enfin, d'un point de vue méthodologique, il me semble que c'est la chose la plus intéressante, c'est quand même comment est-ce qu'on fait pour analyser ces objets-là. Ouais. C'est-à-dire pour faire sens, sans forcément interroger les gens, sans forcément leur demander « Mais quoi vous pensiez quand vous avez fait, quand vous avez marqué que vous faisiez tel et tel objet en même temps, tel et tel travail en même temps, ou comment ça se fait que vous avez enchaîné de là à là ?» Mais une analyse un peu objective de « Je constate que les gens, avant leur cours, passent un quart d'heure à prendre un café. Ouais. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ?» Enfin, voilà, comment est-ce qu'on analyse ces régularités ou ces irrégularités-là ? Et comment on fait sens de ces objets ? Ouais, ouais. Bah alors, c'est une très bonne question, et puis en plus ça me rappelle effectivement, tu me demandais un peu la cuisine de tout ça, comment est-ce que j'avais fait. Et du coup je vais donner un peu plus de détails, mais ta réflexion reste tout à fait tout à fait pertinente. C'est un petit peu voilà, c'est un petit peu le problème même. Mais concrètement, comment est-ce que j'ai procédé, c'est que entre le moment où j'ai recueilli le fichier temps et le commentaire d'agenda, donc 3 semaines, j'ai essayé d'analyser ces trucs là en essayant de reconstituer des trames temporelles, etc., en repérant des choses, la façon justement dont les gens vont projeter des repères temporels, comment est-ce qu'ils vont délimiter des cadres d'activité. Et je vais construire un guide d'entretien qui finalement n'est pas tellement... C'est quand tu disais, oui, effectivement, c'est une production d'eux, mais moi, je les confronte quand même malgré tout, parce qu'eux, ils livrent quelque chose à l'état brut sur lequel ils n'ont pas forcément... En plus, concrètement, ils n'ont pas le temps de le relire, donc du coup, voilà, c'est parti, etc. Et moi, je vais repérer effectivement des enchaînements, des effets de cohérence, ou au contraire, ou des verrous, etc. Et je vais aussi beaucoup les confronter. Et d'ailleurs, il y a des entretiens qui étaient un petit peu, parfois, un petit peu tendus, parce qu'en plus, j'avais affaire à des enseignants-chercheurs, donc il y a une espèce de positionnement hiérarchique, voilà, un petit peu présent, quoi. Mais voilà, effectivement, en essayant de les reconfronter à des choses qui sont directement repérées à partir de ce matériau-là, quoi. Maintenant, la frustration de cette enquête-là, alors je ne sais pas si ça doit être un petit peu le fait que c'est la temporalité du master aussi, hein, on doit aller vite, etc. On a certaines consignes, et puis peut-être aussi, de ma part, une focale un petit peu trop posée sur certaines choses et pas sur d'autres. Hein. Mais effectivement, il y a un volume de données recueillies qui est gigantesque. Mais vraiment, quoi. Et donc là, à l'heure actuelle, je suis vraiment en train de... Enfin, la thèse que j'envisage, elle est sur tout à fait autre chose. Mais par contre, oui, je suis en train d'essayer d'écrire, de co-écrire un article avec quelqu'un qui a travaillé sur des terrains un petit peu voisins. On essaye de mettre en commun et du coup de dépiauter de nouveau toutes ces données-là, parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont inexploitées et voilà, et qui peuvent probablement peser de façon qualitative aussi. Hein, donc voilà. Désolé, je vais très vite. Il me semble que tu as... Enfin, je ne l'ai pas noté parce que c'est allé vite, mais ouais. Il y a un moment donné où tu disais que tu faisais de l'ethnographie et que ce n'était pas un truc très travaillé sur ce sujet-là. Je ne sais pas si tu pensais à la sociologie du travail ou à celle du temps, mais bon, quoi qu'il en soit, moi je pense qu'il n'y a pas d'opposition fondamentale entre l'ethnographie et la statistique. D'accord. Et qu'avec des fichiers comme ceux que tu as, ça vaut le coup de faire des traitements statistiques. Ah parce oui, que même petite personne, avoir des employés temps sur des semaines entières, les analyses de séquences, ça fonctionne super bien pour ce genre de données. Et tu peux trouver les régularités de comment est-ce qu'on passe d'une activité à une autre, comment ça se fait que telle activité dure tel temps, etc. etc. Quand tu parles de séquences de données là-dessus, c'est une technique d'analyse statistique qui s'appelle l'analyse de séquences. Qui est une chose qu'on peut essayer sur ce genre de données. Enfin voilà, c'est juste une piste, mais je pense je pense que ça peut être riche d'aller voir du côté de l'analyse statistique. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, j'essayais justement de faire passer le message du fait que ça peut tout à fait se conjuguer avec des techniques et avec des approches qui sont très différentes, qui peuvent être très ancrées dans du quantitatif, etc. Voilà. Et c'est idéalement ça pourrait être. Voilà. Oui, moi j'avais une question, moi aussi je trouve ça absolument passionnant, et le fait d'être sur un truc vraiment micro et finalement de se rendre compte que ça fait écho à plein d'autres choses qui dépassent largement, je trouve ça intéressant, et du coup j'ai essayé de le mettre en lien un peu avec l'intervention de Grégory de ce matin. Ouais. Et ce qu'il disait un peu sur les trois agendas qui ont un peu justement des emplois du temps un peu concurrents, un peu différents, et avec la question qui a été posée par le discutant du découpage du temps. Et du coup, toi, dans quelle mesure tu regardes aussi comment chacun découpe son temps, et ça pose la question de comment tu construis la grille de ton fichier temps, ouais. Et de qu'est-ce que ça implique de se limiter à une semaine. Ouais. Parce que, en fait, dans cette semaine, il y a aussi des temporalités qui dépassent largement la semaine. Il y a l'article qu'on doit écrire pour dans 3 mois, il y a la thèse qu'on va soutenir dans 4 ans, il y a la carrière académique qu'on imagine sur les 25 prochaines années ou les 40 prochaines années. Et du coup, ce que je trouverais particulièrement intéressant, c'est d'analyser ensuite... comment se passe très très concrètement le conflit et l'arbitrage entre ces différentes temporalités, et du coup de faire en version micro ce qu'on abordait un peu ce matin en version macro sur comment on gère le développement durable de longue durée dans l'urgence du temps du temps politique. Et bon, ça, je trouve que ce serait un truc vraiment intéressant à creuser, et du coup là-dessus je me demande aussi si à un moment il n'y a pas besoin aussi de faire un peu d'observation d'observation directe pour voir justement, enfin pour identifier des points de conflit et pour voir comment chaque acteur réagit à ce conflit, comment il fait pour quelle est la décision qu'il prend, mais surtout quel mécanisme il met en œuvre pour réaliser cet arbitrage là. Ouais, je suis assez d'accord. D'ailleurs, encore une fois, je comptais, dans le cas hypothétique d'une thèse, mobiliser cette espèce de méthodologie là, mais j'ai évidemment réfléchi à y ajouter vraiment à l'évidence cette phase là d'observation directe, etc. C'est indispensable, quoi, pour pouvoir obtenir quelque chose d'assez complet et qui puisse effectivement se... Ouais. Il y avait les deux aspects. Il y avait l'aspect observation directe, et puis il y avait l'aspect comment dans ton fichier temps, tu laisses une marge de manœuvre suffisante à ceux qui le remplissent pour ne pas pas cadrer leur temps dans la seule semaine, mais leur permettre d'exposer eux-mêmes leur propre découpage du temps, ouais, qui va varier d'acteur en acteur, et pas leur imposer toi, oui, ton, oui, découpage du temps avec une semaine qui est divisée en journée, qui est ensuite divisée en demi-journée, qui est divisée en temps temporel, etc. C'est vrai, Et c'est vrai que j'ai effectivement réfléchi au format du fichier. Bon, alors après, la semaine, c'est effectivement quelque chose de très limité. Encore une fois, là, d'adapter aussi à la temporalité du mémoire, etc. Mais enfin, après, voilà, ce que j'ai essayé... Alors, le découpage en journée, oui, je suis d'accord, c'est assez pertinent. J'y avais pas forcément pensé que déjà, c'était une première forme de pré-catégorisation des choses, quoi. Maintenant, après, voilà, c'est... Là où j'ai essayé de travailler et où j'ai essayé de déceler des choses, c'était plus effectivement sur une séquence temporelle précise que eux vont déterminer du coup, en me donnant leurs coordonnées ou leur façon de qualifier en fait ce séquençage. Parce que d'une personne à une autre, ça pouvait être totalement différent. Il y avait une personne qui se référait au passage à l'enchaînement d'une séquence à une autre en termes d'intensité, de ce que ça requiert comme intensité cognitive par exemple, je ne sais pas. Alors des gens qui vont prévoir l'écriture d'un article et qui vont un petit peu concentrer certaines choses à certains moments et qui vont prévoir d'autres choses. Alors là, pour le coup, c'était décelable dans le sens où ils notaient des activités et j'essayais de percevoir des blocs de cohérence, etc. Et je leur posais la question. Et puis je leur posais concrètement la question, comment est-ce que vous découpez votre temps aussi ? Est-ce que ça vous parle, effectivement, un balisage un peu traditionnel avec... des coordonnées temporelles, etc. Est-ce que vous réfléchissez autrement ? Voilà. Par contre, à mon avis, là, on est un petit peu trop quand même, c'était une faiblesse de la chose, dans des ordres de projection plutôt que dans des... Mais qui est intéressant, justement, je trouve, de voir le conflit entre temps projeté et temps réalisé. Et si on met en regard avec la distinction que faisait Grégory ce matin, qui me semble vraiment intéressante, entre urgence et priorité... Ouais. Ça, c'est hyper intéressant, c'est qu'on va dire que quelque chose est urgent et en fait on va donner la priorité à autre chose qu'on considère comme absolument dérisoire ou marginal de répondre à un mail, mais c'est quand même ça qui va prendre la... Donc, et il y avait autre chose aussi, c'était la dimension lexicale aussi, c'est-à-dire que j'essayais de faire attention à la façon dont les gens s'exprimaient, aux termes, enfin, en essayant de repérer encore une fois un lexique en fonction des enquêtés et en les confrontant à ce lexique-là. Et pour le coup, effectivement, j'ai précisément quelqu'un qui me disait qu'il faisait une distinction entre les urgences et les priorités. Voilà. Et qui concrètement rationalisait la chose, puisque elle avait trois, je crois, messageries mail, ce qui pour le coup, voilà, avec des codes très différents. Et elle rangeait dans des messageries différentes ce qui était prioritaire, ce qui était urgent, ce qui était urgent, et enfin voilà. Et puis le reste, en fait. Voilà. Et en distinguant par-dessus le marché ce qui était... intra-académique, ce qui était de l'ordre des articles, ce qui était de l'ordre de la valorisation de la recherche de quelqu'un, machin, etc. Et extra-académique, elle avait une boîte spéciale pour la famille, elle avait, enfin bon bref, elle était complètement submergée pour le coup, mais voilà, elle avait cette façon de... Et j'essayais de comprendre aussi la façon, effectivement, dont les gens concrètement posaient, organisaient des codifications décelables, hein, où il y avait des traces, quoi. Parce que ce que j'ai pas dit aussi, c'est que de temps en temps, quand c'était le cas, on faisait passer aussi des formes plus institutionnalisées, les agendas en ligne, les agendas partagés, par exemple, les doodles, etc. Enfin voilà, on faisait des captures d'écran, des choses comme ça. Donc j'essayais vraiment de comprendre comment est-ce que la personne essayait de gérer ces conflits-là, ces enchevêtrements-là, ces tensions-là. Et pour la question, effectivement, de... des événements qui sont évidemment pas circonscrits à cette semaine-là, qui sont latents ou quoi. Là, pour le coup, c'est vraiment tributaire du recueil de données, quoi. C'est-à-dire que si, à un moment donné, elle travaillait sur tel article qu'elle était censée avoir rendu 3 mois avant, mais bon, qui était pas prêt avant au moins 4 mois, enfin, elle arrivait quand même à dater les choses, et j'avais la trace de travail sur article temps. Et du coup, je lui ai posé la question de qu'est-ce que c'est article temps et comment est-ce que... Voilà. Des données qui renvoyaient, qui exprimaient aussi la deadline, le délai des choses, et qui du coup pourraient peut-être un peu correspondre, enfin, aussi parer au fait que ce soit simplement sur une semaine. Si, ça reste encore une fois, voilà, un matériau. Ok, j'ai fait tel C'est ça, oui, c'est vraiment en fonction des traces. Quoi. Je pense que ça peut être encore plus frappant de voir comment, dans une semaine, en fait, on la dépasse. Oui. C'est ça que j'essayais d'exprimer à travers cette histoire de jongler avec des échelles de temporalité complètement multiples et concurrentes, et très concrètement dans les emplois du temps. Et encore une fois, il y a trace de cette espèce de chaos, ou pas d'ailleurs, hein. Il y a des gens qui considèrent ça de façon très rationnelle et qui arrivent très bien. Et qui tirent un bénéfice, un bonus valorisant de cette multi-activité, etc. Voilà. Tu as réussi à représenter visuellement tes résultats ? Allez, mes résultats ? Enfin, tout ce que tu racontes. Eh bien oui, mais c'est pour ça que le PowerPoint... C'est dommage. Tu as trouvé des techniques de représentation de ce temps, encore une fois. Non, honnêtement, par exemple, non, j'ai pas essayé de représenter la façon, les schémas de projection temporelle, par exemple, des gens, la façon dont ils... Ça aurait pu être très intéressant, d'ailleurs. Mais le temps vécu des gens. Ouais. Ben, non. Concrètement, à part ce fichier temps, non. Ouais, je pense qu'on peut... Il y aurait certainement des pistes de réponse ou d'analyse supplémentaires. Ouais, ça pourrait dans le fait de rechercher. Ok. Donc les gens, ils vivent le temps comme ça. Comment, schématiquement, je le représente? On a toujours tendance à le représenter de façon avec une flèche chronologique, mais c'est peut-être pas la meilleure solution. Non. Comment je fais intervenir des temps urgents, des temps prioritaires? C'est vrai que ça aurait été intéressant de modéliser. Mais en fait, ils sont vécus comme urgents, mais pas traités comme urgents. Comment ça? Tout à fait. Oui, ça pourrait effectivement correspondre à des espèces de schémas. Visuellement, ça peut aussi aider dans... Complètement. Complètement, ouais, c'est vrai. Je me suis pas lancée dans cet exercice-là, mais c'est vrai que ça pourrait être vraiment très intéressant. Enfin, je sais pas. Après, j'ai pas les compétences techniques. Ah ouais, non, mais ça a inventé, mais... je suppose. Aussi, moins, je peux m'amuser. Voilà. Mais oui, effectivement. Vas-y. Sans forcément représenter toi-même, enfin, c'est un peu différent, mais est-ce que du coup, tu t'es intéressée à la manière dont chacun, dans son agenda, représente aussi, entoure peut-être des heures, ou alors des marques, des plages horaires, ou alors... Oui, et puis tout ce qui est d'ordre, tout ce qui est à la marge, etc. Enfin, oui, ça j'ai essayé. Et pour le coup, à partir du commentaire d'agenda, je leur posais aussi. Ça faisait partie de l'entretien, quoi. C'était vraiment faire dialoguer les deux, quoi. Le fichier temps, l'agenda, et puis il y avait des choses très différentes qui ressortaient. Et effectivement, je pouvais leur poser des questions visuellement sur mais ça signifie quoi, et ça correspond à quoi, et voilà. Je rebondis là-dessus, du coup, parce que c'est en lien avec ça, du coup, c'est une urgence. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de quand on a un agenda sous les yeux, de faire l'historique de cet agenda et de savoir à quel moment chaque activité a été inscrite dans cet agenda. Parce que dans notre agenda, il y a des choses qu'on inscrit de 6 mois avant, et puis il y a des choses qu'on inscrit 2 jours avant, et parfois il y a un truc la façon dont on l'utilise finalement. Et, Et ça, c'est un truc que tu as regardé ou... Non, je ne les ai pas embêtés à ce point, mais c'est vrai que ça pourrait être. Enfin, oui, bien sûr, c'est largement pertinent aussi, quoi, c'est clair. En termes de. Pardon. Pas En termes de représentation, mais je te rejoins tout à fait par rapport à la manière dont ils se représentent et dont ils se construisent leurs propres agendas, mais. Toute ta présentation m'a fait penser aux travaux, je ne sais pas si tu connais, de Mercure, Daniel Mercure. Ouais. Il a fait le même travail sur les agendas des médecins. D'accord, je ne savais pas. Ouais. Il a fait le même style, et en fait, au lieu de cartographier, parce que ça rend le travail extrêmement complexe, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné des noms en fait, aux acteurs. Donc le pressé, le gars qui se projette dans l'avenir, il a vraiment construit des figures de l'acteur par rapport au temps social dans lequel, enfin le micro-temps dans lequel il s'est inscrit. Et donc ça, ce serait intéressant. Et c'est un article qu'il a repris dans son bouquin. Il a fait vraiment une construction en fonction de la représentation, de leur agenda. Mais ça, c'est intéressant. C'est une montée en analyse encore. Effectivement, que là, je Et alors là-dessus, en termes de... Puisque j'ai la parole, j'en profite. juste... je vois très très bien la multiplicité des temps, en fait. On a exactement les mêmes lectures, donc c'est amusant. La seule chose, c'est que moi, je le prends par le macro, tu le prends par le micro, sauf qu'il y a des figures intermédiaires entre eux. Il y a le temps institutionnel, et il y a le temps par les groupes. Et il faut savoir que les chercheurs, en tant que chercheurs ou enseignants, sont inscrits dans toute une série de groupes. Ouais. Et aussi, le temps institutionnel a une pression sur nos agendas. Ah ben, bien donc, sûr. à ce moment-là, ce qui était intéressant, c'est, tu vois, de fluctuer, non plus en termes de compénétration sur les espaces-temps. De circuler un peu sur les échelles. Changer l'échelle, changer la focale et passer au niveau du groupe, de la pression du groupe, et puis la pression de l'institution. Ouais. Et là, tu as des temps sur lesquels tu peux clairement jouer, et tu les vois dans nos agendas, c'est clair, tu les vois, ces temps institutionnels. Tu disais, on communique aussi pour avancer, on communique aussi parce qu'on a une pression du labo de devoir publier. Ah, bah tout à fait, mais alors, oui, mais là pour le coup. Donc, tu vois, tu peux introduire clairement ces temps-là. Alors, j'ai eu l'impression de les introduire, après peut-être que je me suis plantée. Par contre. Sûrement, mais. Non, mais par contre, là où tu as raison, et pour le coup, tu vois, tu parles de Mercure, et moi ce que je reproche un peu à Mercure, c'est de pas considérer l'individu comme un être temporalisé, mais simplement comme le support. Non réflexif en fait de tu vois qui n'a pas de prise en fait sur les temps et qui les subit etc quoi. Mais alors tu peux aller voir chez Gilles Prévost en sociologie des temps, tu l'as lu aussi? Je l'ai pas lu, mais en fait il y a une étude des agendas politiques, des agendas des politiques, d'accord, de leurs propres agendas politiques et la manière dont ils se leur représentent avec la compénétration, puisque Mercure parle pas de superposition mais de compénétration des espaces-temps. En montrant que finalement le familial entre en conflit avec le boulot, etc. Il y a tout un jeu avec la question de la mobilité, c'est clairement dans ce type de temps. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Comment on comble ce temps qui passe? Ah oui, non, mais tout à fait. Dans les voitures ministérielles, c'était une des questions, et qu'est-ce que vous faites, etc. Sur les plages vides aussi. C'est super. C'est tout à fait. Après, moi, c'était un petit peu un parti pris qui est du coup discutable. Mais dans la mesure où, du coup, tu connais un petit peu le champ des temps sociaux, c'est quand même une analyse macro de façon totalement écrasante, quoi. Et je me suis dit que peut-être, j'ai presque pris ça comme un terrain de jeu et d'expérimentation, quoi. Ces 2 ans de master, je me suis dit, pourquoi pas essayer de prendre les choses de façon micro. Ça implique même pas forcément une posture idéologique chez moi dans la sociologie ou quoi. C'est simplement que je me suis dit, ça peut compléter et on peut voir si ça entre en conflit et si ça complète, quoi. Mais ou si ça complète. Cette approche micro, elle est super répandue. En fait, c'était dans l'étude du temps, on a commencé par ça. Oui. Puisque la multiplicité des temps sociaux chez Gurwicht, commence par l'approche par les temps micro, et puis il passe au macro avec les différentes échelles. La différence, c'est au niveau de la méthodologie, en fait. Ah, oui, la différence, c'est qu'on va mobiliser des enquêtes. On va mobiliser des enquêtes. Les enquêtes de l'INSEE, je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemblait, des enquêtes budgétant, qui sont donc... des espèces de tableaux avec des catégorisations pré-assignées déjà. Donc, par exemple, activité domestique, activité professionnelle. Difficile de savoir des fois ce qui relève du... Alors là, pour le coup, domestique, professionnel, encore que ça peut être très flou. Ouais. Et là, pour le coup, ces enquêtes-là, elles ne rentrent pas. T'as aussi, en général, on considère qu'il faut sélectionner une activité parce que tu as une séquence. Et donc, il faut sélectionner une activité. Là, pour le coup, c'est pareil. Tu passes à côté de tous ces phénomènes de brouillage, de multi-activité, de simultanéité de certaines activités, à côté de pas mal de choses qui sont finalement de bricolage individuel. C'est pour ça que je te dis, oui, il y a eu des choses de fait, ça c'est clair. Je ne suis pas en train de dire que je suis la seule à avoir fait une... Vraiment pas. Mais par contre, au niveau de ces enquêtes-là, qui continuent de fonctionner aujourd'hui, alors que c'est en décalage avec des préoccupations politiques et des préoccupations, je ne sais pas, au niveau de l'urbain, du municipal, etc., d'essayer de comprendre en détail les rythmes des usagers, etc. Mais pour le coup, il y a un décalage entre la méthodologie qui est mobilisée. Enfin, je crois, tu vois. Et puis, effectivement, un bouquin qui pourrait, et puis je laisse la parole, et tu peux l'adapter à la recherche, en fait, c'est la politique par les agendas. Et ça montre clairement que finalement tout est structuré par une série d'agendas qui sont imposés et dans lesquels tu introduis des espaces-temps pour toi et pour ton mode de vie. Et enfin, au point de vue politique, bien entendu, dans cet aspect-là. Je ne connais plus l'auteur, mais le titre c'est La politique par les agendas. Est-ce que tu pourrais adapter et voir quelques éléments de réflexion, notamment pour l'agenda de la recherche? Ouais. Sinon, c'est super intéressant. Moi, j'avais juste une dernière question, mais ça rejoint un petit peu, on parlait de profil tout à l'heure. On a observé finalement qu'il y a différentes façons de gérer le temps. Certaines personnes qui vont être plus bien organisées, d'autres qui vont être vite débordées, qui ne savent pas trop faire la part des choses entre le temps domestique, le temps professionnel. Est-ce qu'on peut chercher aussi des explications dans ces différences, dans les parcours professionnels, les parcours individuels? Parce que même si on a affaire à une population assez homogène, Je pense qu'il y a des différences de parcours, de formation, parcours professionnel. Est-ce qu'on peut expliquer parfois ces différences dans la gestion du temps par les parcours individuels ? Alors, je ne sais pas si je t'ai bien comprise, mais alors il y a deux choses que j'identifie dans ta question. La première, c'est effectivement l'empreinte de nos trajectoires en général. Et pour le coup, c'est vrai que j'ai eu tendance, pour le coup, à laisser de côté un peu toute l'analyse par je suppose que ça parlera à peu près à tout le monde, peut-être même aux non-sociologues, les phénomènes d'habitus, etc. Enfin, voilà, les conditionnements, etc. C'est vrai que ça, j'ai voulu vraiment être dans un abordage très, très pragmatique. Pour le coup, c'est quand même quelque chose qui manque un petit peu. Et la deuxième chose, c'est, alors, je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais ce que j'ai clairement constaté, c'est que les fichiers étant, comme ils étaient assez bateaux dans leur forme, j'ai invité les gens, les enquêtés, à les remanier comme ils voulaient. Et donc, du coup, j'avais des gens qui étaient issus de disciplines de sciences dites dures et exactes, et puis j'avais des gens qui étaient issus de linguistique, d'autres qui étaient en sociologie, en économie, et alors ils avaient une façon très différente de s'approprier le fichier et de s'approprier le fond, le contenu, c'est-à-dire la façon de noter. Pour te donner un exemple beaucoup plus concret, y avait une enseignante en physique, elle a transformé ce fichier qui était à la base un fichier Word en fichier, c'était une bonne idée d'ailleurs, en fichier Excel, en classeur, et elle a introduit des tas de statistiques, elle quantifiait son temps de travail, elle quantifiait le pourcentage de son temps de travail qu'elle allait consacrer par exemple aux évaluations des travaux des étudiants, par exemple, enfin voilà, tu vois, à chaque fois, mais finalement, elle produisait ses propres catégories, donc moi ça ne me gênait pas. Par contre, il y avait une catégorie commentaire qu'elle avait complètement effacée, tu vois. À l'inverse, j'avais une nana qui était en sciences, alors je ne sais plus, en linguistique ou en sciences de l'info et de la documentation, et elle était quasiment dans une mise en récit de soi, quoi. Il y avait quelques coordonnées temporelles encore que c'était pas trop le cas. Et puis c'est rigolo parce que les séquences qui correspondaient à telle activité, elle faisait 10 lignes avec des commentaires qui faisaient 15 lignes. Et donc c'était un rapport totalement différent au support. Pour le coup, j'ai pas voulu non plus trop me risquer à partir. J'ai trouvé ça super intéressant, si tu veux, la façon dont les gens aussi projetaient quelque part leur. Je ne sais pas si c'est un conditionnement ou leur... Oui, ça participe de ça, quoi. En tout cas, leur façon de construire et de penser un peu importée de leur discipline. Bon, après, c'est plus compliqué que ça. Donc, du coup, j'ai essayé de comprendre ça. J'ai essayé j'ai essayé de leur faire parler de ça. Mais je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre avec précaution. Parce qu'on peut vite tomber dans le cliché de... Ah ben, elle, c'est littéraire, donc elle va faire ça. Et puis... elle est en physique. Enfin, je pense pas forcément. Oui, c'est pour ça que je sais pas si c'est du coup. Non, mais c'est un bon exemple. C'est vrai qu'il y a un conditionnement peut-être disciplinaire quelque part. C'est peut-être pas le terme. Enfin, c'est peut-être un peu. C'est fort, moi qui l'utilisais, je crois que c'est pas. Ouais. C'est tout à fait non, bon terme. Mais c'est une socialisation. Je me demandais. Oui, ou je sais pas, oui. Un aller-retour entre effectivement ce qu'on pratique au quotidien et voilà, et puis sa façon. Juste parce qu'on va s'arrêter là, mais je vais quand même, en toute démocratie, m'arroger la dernière question. J'avais une question très bête. Je voudrais juste te demander ton avis. Je ne sais pas si c'est très scientifique, mais tu as parlé, donc, Laure l'a finalement soulevé, d'un emploi du temps non contraint mais surchargé. Alors, est-ce qu'il est objectivement surchargé ou juste vécu comme surchargé ? Parce que ton travail m'a fait penser, je pense que tu as dû lire ça, au bouquin d'Elisabeth Viry, qui a un titre délicieux, qui est « Le monde vécu des universitaires ou la République des égaux ». Et donc, qui a fait un travail intéressant là-dessus, et qui notamment, sans creuser plus la thématique du temps, montrait sur le cas des universitaires qu'il y avait une propension à afficher en permanence un caractère surchargé. Et c'est vrai que, le premier jour, tu croiseras un enseignant chercheur qui dira « Attends, là, j'en peux plus, je suis surchargé, j'ai pas le temps de venir à ton séminaire aujourd'hui, tu vois. Ce sera bizarre. » Donc, est-ce que... Oui, la dimension un peu mise en scène de soi, et puis les normes, un petit peu, dans ce milieu social-là. Ouais. Donc, objectivement, est-ce que tu as des temps de travail complètement explosés ? Alors, oui, objectivement, il y en a quelques-uns, mais ça varie vraiment d'une discipline à l'autre, pour le coup. Celle qui était en burn-out là, et qui quantifiait son temps de travail, elle le faisait aussi parce que je pense qu'elle était... Enfin, voilà. Et concrètement, elle était en ce qu'on appelle CRCT, donc congé pour conversion thématique. Donc c'est quand on est en reconversion pour le coup. Et donc elle, elle était censée ne plus assurer ses activités d'enseignante. Elle était censée se consacrer à la recherche parce que c'était ça un peu son problème. Et voilà, c'est ça que permet aussi CRCT, c'est de pouvoir un petit peu faire une pause et se consacrer un peu à la recherche parce que très vite quand même, il y a des déséquilibres qui s'opèrent. Et dans certains cas en tout cas. Et alors elle, donc, en étant pas officiellement avec sa casquette d'enseignante vissée sur le crâne, elle était à, encore une fois, je me réfère à sa grille, mais elle était à 65 heures de travail par semaine. Donc concrètement, bon, ça fait beaucoup. Après, moi j'étais pas là non plus pour émettre un jugement, mais par contre c'est vraiment une dimension hyper importante, oui. Et pour le coup, l'observation directe permettrait aussi peut-être d'avoir un aperçu un peu plus consistant à ce niveau-là. Quoi. Mm-hmm. Moi j'avais un peu la même question, enfin pas la même attaquée, mais c'est en lien. Et je pensais au. Alors je sais pas si c'est une tactique ou une espèce de sas de décompression, mais j'ai en tout cas l'intuition qu'il y a, les enseignants-chercheurs passent aussi beaucoup de temps à parler du temps, la gestion du temps. Ah oui. Et je voulais savoir si c'était quelque chose qui était un peu ressorti ou alors si c'est dont les enseignants-chercheurs parlent difficilement et qui serait plus abordable par l'observation, etc. Mais sur un terrain un peu différent, on est dans des professions dans lesquelles il y a une littérature considérable qu'on sait pas autant. Et moi, je pense à tout le nombre de blogs anglo-saxons sur la gestion du temps chez les universitaires. Quasiment tous les blogs universitaires soit évoquent ça, soit ils ont ce truc-là complètement consacré. Et vous avez genre Profhackers et tous ces trucs, et c'est des espaces de discussion où ils passent leur temps à se donner des conseils sur les meilleures manières de gérer son temps. Il y a des techniques, il y a des logiciels, il y a des... Et puis il y a aussi des espèces de phénomènes de gargarisation aussi autour de ça. Bien sûr, mais incroyable sur Internet là-dessus. Ah oui, non, mais c'est vrai. Mais c'est un des métiers qui s'auto-analyse le plus, si on veut. Quoi. C'est, voilà, c'est... Donc du coup, oui, il y a beaucoup de matériel à ce niveau-là. Quoi. Et du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est est-ce que le temps, la gestion du temps, est pas en train de devenir une compétence majeure de nos professions? Bah, c'est un peu le postulat de mon travail, c'était que, en tout cas, il y a une injonction, même si concrètement, effectivement, on n'a pas un cahier des charges très spécifique à ce niveau-là, il y a une injonction à savoir le gérer, et c'est relativement disqualifiant. Et il y a toute une culture du temps aussi, effectivement, et de l'urgence et du retard, et de cultiver effectivement le jonglage avec les deadlines, etc. Et il y a quelque chose de disqualifiant quand on maîtrise pas toute cette culture là quoi. On est un peu on peut se retrouver un petit peu sur la touche, hein. Si tu peux me permettre, ça est très lié aussi à la disposition ascétique en général du monde intellectuel, qui est un peu tous les travaux justement de socialisation, c'est pour ça que je mentionnais le terme ce que fait la manière sur Kafka et ce genre de choses, c'est c'est un trait qui est extrêmement valorisé dans les classes supérieures et dans les classes supérieures. Exactement. Ouais. Tout à fait. Il y aura toujours encore d'autres questions, mais on va s'arrêter là pour. Merci beaucoup. Maintenant, bah, merci à vous. Quart d'heure de retard usuel de la recherche. On va finir avec la présentation d'Elsa.